pas peur, elle que l'autre pas par la peur. Quand il pleut, je n'ai pas peur. Je me cache sous mon gros tracteur. Hier chez moi, il y a un grand lac. La face est qu'il s'attabarre. Oh, quand il pleut, je n'ai pas peur. Quand il pleut, je n'ai pas peur. Quand il pleut, je n'ai pas peur. Je me cache sous mon gros tracteur. Veux chanter Mario? Non, là, commence pas, là. Une petite toune, Mario. Non, danse à la place, t'es bon là-dedans. Ouais, mais tu m'entendras pas danser. Ben oui. Gars, là, on va danser sur le beau plancher de bois franc. Hein? C'était les très sympathiques Frères Goyette, formation de Trois-Rivières qui fait dans le folk country. La pièce qu'on vient d'entendre, c'est « Mon derrière de chez nous ». De l'album « Vauilleul, on chante ». Désolée, mais c'est ça le titre de l'album. Premier album qui est paru en 2001. Et tout juste avant, on avait Thomas Fersen, qui est un auteur, compositeur, interprète français, avec la pièce « Zaza », qui est un bel hommage à son chien, donc d'un album qui s'appelle « Gratte-moi la puce, best of de poche ». Et c'est des chansons, en fait, ses chansons à lui, reprises au ukulélé. Et c'est son 10e album qui est paru en 2007. Longue carrière pour Thomas Fersen. Et sinon, on va, sans plus tarder, retourner en musique après ce bloc qui a été assez léger, vers un bloc plus électro, un bloc qui me plaît bien, diverses découvertes que j'ai faites au courant des dernières semaines. J'espère que vous apprécierez aussi. Et on va commencer par un projet torontois, soit Digits. Et vous êtes à l'émission chez Rémi Coutu en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Just to be standing here.

C'était le duo d'Indie Rock Beach House qui nous vient de Baltimore aux États-Unis et qui font donc dans l'Indie Rock, mais à saveur un peu pop parfois, puis planant. C'est assez ambiant ce qu'ils font. Si vous avez aimé ce qu'on vient d'entendre, peut-être que vous aimerez leur troisième album, puisque la pièce qu'on a entendue s'appelle Norway et elle est tirée de leur prochain album, donc Teen Dream, à paraître le 26 janvier 2010. Et c'est un album que j'attends avec beaucoup d'impatience. J'ai bien hâte d'entendre ça. Puis on aura la chance d'entendre d'autres extraits à l'émission Chérie Coutu. C'est assuré. Sinon, avant, on avait l'artiste d'indie pop électro de New York, Benjamin E. Morsberger. Je ne sais jamais comment prononcer ce nom qui sonne à la fois allemand et anglais, peut-être aussi, qui sait. Et la pièce qu'on a entendue s'appelle Don't Forget to Regret, tirée d'un mini-album du nom d'Idiot Sleep. Et c'est un artiste que j'ai découvert aussi récemment. Et vous pouvez télécharger des pièces gratuitement sur son profil Last.fm notamment. Donc, ou sinon, vous pouvez consulter le blog de l'émission, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com. Et j'insérerai un lien donc pour aller télécharger les pièces de cet artiste qui est vraiment excellent. Si vous avez aimé ce qu'on vient d'entendre, eh bien, vous allez aimer les autres pièces également. Sinon, au début, on avait encore une fois un autre artiste d'indie-pop électro, mais cette fois-ci de Toronto, qui se nomme Digits. La pièce qu'on a entendue s'appelle Non-Stop, d'un premier album du nom de Hold It Close, qui est paru le 16 septembre dernier. Et je dois avouer que j'ai bien aimé l'approche de cet artiste, parce que je dois mentionner que j'ai reçu un courriel cette semaine. Digits qui avait joint Alain, qui est notre directeur à la programmation, assez fou. Et Alain nous transmet à l'occasion des courriels. Puis lui a pris la peine de m'écrire en me disant « J'ai consulté tes anciennes listes de lecture, donc les pièces que j'avais fait jouer à l'émission. » Puis il a dit « Je pense que tu pourrais aimer ce que je fais. » Puis il a pris la peine d'écrire ça dans un français quand même très bien. Là, il m'a dit d'office là, dans son courriel, c'est indiqué « Excusez mon français », mais il a pris la peine quand même de m'écrire en français. Donc là, je suis devenue là, tout de suite attachée à cet artiste qui s'appelle Digits. Je le nomme encore. Puis, donc, quand j'écoutais ce qu'il faisait, effectivement, c'était dans mes cordes. Puis, ça concordait beaucoup avec les artistes qui m'avaient nommé, soit Yacht, Memory Tapes, entre autres. Donc, un artiste à découvrir également. Donc, Digits avec son premier album, Hold It Close. Vous pouvez faire une recherche, ça devrait être assez simple à trouver. Sinon, de notre côté, on va se laisser le temps d'une courte pause de 2 minutes et au retour, on revient avec un bloc francophone. J'ai choisi des artistes qui chantent habituellement en anglais qui, là, ont fait des pièces donc en français. On va entendre ça tout de suite au retour de la pause. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie M'écoutes-tu en compagnie de Sophie Laforêt. Donc, pour une heure musicale variée sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est fou de musique à découvrir, c'est fou de la scène émergente, c'est fou de scène émergente, c'est fou de la musique, c'est fou 89.1. lumière tire les rideaux jusqu'à demain on fait ce qu'on veut. Qui sait s'il faudrait arrêter? Est-ce qu'on pourrait toujours faire un mieux? Mais dis-moi au revoir encore avant l'adieu. L'amour ne dure pas toujours, une reprise de la chanteuse française Françoise Hardy qui chantait « Tous les garçons et les filles de mon âge, nanana ». Je sais que j'aurais arrêté de chanter, c'est pas bon pour les codes d'écoute, mais bon, tout le monde a replacé la chanson. Et donc là, cette fois-ci, elle était chantée par Feist ou Feist, selon comment vous le prononcez. En tout cas, Leslie de son prénom, de l'album Let It Die. Et c'est une pièce qui figure seulement sur l'édition canadienne de cet album-là, premier album de cette auteure-compositrice, interprète originaire de la Nouvelle-Écosse et une grande dame de la musique déjà à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Sinon, avant, on avait Eleni Mandel, qui est une auteure-compositrice interprète américaine, avec la pièce « Dis-moi au revoir encore ». Et c'est tiré d'un mini-album de deux pièces qui est paru en octobre 2007, donc du même nom. Et c'est une, comme je l'ai mentionné, une auteure-compositrice-interprète américaine qui a déjà une dizaine d'albums à son actif. Et c'était une des têtes d'affiche du dernier festival de jazz de Montréal. Donc, une artiste quand même chouette, là. Je vous dirais qu'elle n'est pas dans mon palmarès personnel, mais c'est une artiste à découvrir aussi si vous avez aimé cette reprise, donc francophone. Et sinon, on va retourner du côté anglo, tout d'abord avec une reprise. Donc, je vais vous laisser le soin de retrouver qui chantait ça originalement. C'est pas très difficile. Et vous êtes à l'émission Chérie Micoutu avec Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Hello. C'était la formation Born Ruffians, qui est une formation indie rock de l'Ontario, de l'album Red, Yellow and Blue. Et c'était la pièce titre, donc, du même nom. Et c'est un premier album qui est paru en mars 2008. Et un album toujours sans titre est prévu pour 2010. Donc, c'est à suivre. Sinon, avant, on avait la formation toujours dans l'indie rock, cette fois-ci de Montréal, Parlerve. Et c'est une formation qui est passée à Trois-Rivières le 5 novembre dernier au Nord-Ouest avec la formation We Are Wolves. C'était un excellent spectacle. Et la pièce qu'on vient d'entendre se nomme Archie and Mehi Tabel. Et donc, j'ai mené mon enquête et c'est en fait le titre d'une bande dessinée qui mettait en vedette une coquerelle, donc illustrée, nommée Archie, qui figurait dans le quotidien américain de New York Evening Sun. Alors voilà, on peut apprendre beaucoup de choses en s'interrogeant sur les titres de pièces, c'est assez fascinant. Et sinon, on avait la formation toujours montréalaise, Winter Gloves, qui fait dans l'électro indie rock, encore une fois, avec une reprise, vous l'aurez deviné, de Nirvana, avec la pièce Smell Like Teen Spirits. Et ça, ça a été fait dans le cadre d'une compilation de reprises par des artistes qui figurent sur l'étiquette torontoise Paperbag Records. Et la compilation s'appelle The 7-Year Itch. Et elle est disponible en téléchargement gratuitement sur Internet. Et encore une fois, pourquoi ne pas consulter le blog de l'émission, car je mettrai les liens à cet effet. Et le blog, donc, le www.sophieaimelamusique.blogspot.com. Et aussi sur ce magnifique blog, vous aurez accès à la page MySpace de l'émission et à la page Facebook. Et avant chacune des émissions, j'introduis un peu le menu de la soirée, question de vous donner le goût d'écouter « Chérie, m'écoutes-tu ?» Et sinon, pour toujours poursuivre en musique, on va se tourner du côté francophone et encore une fois avec deux artistes qui chantent habituellement en anglais et qui nous chantent en français. Et c'est en fait Rufus et Martha Wainwright, des frères et sœurs. Donc on va entendre tout de suite, Rufus Wainwright à l'émission Chérie m'écoutes-tu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein trou. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur brisé. The stairway's up to la butte can make the wretched sigh, while windmill wings of the moulin shelter you. Ma petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sous tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. The stairway's up to la butte can make the wretched sigh, while windmill wings of the moulin shelter you. Voilà qu'elle trotte, la lune qui flotte, la princesse aussi. La la la la la la la la la la. Mes rêves épanouis. Les escaliers de la butte sont durs. Les ailes du moulin protègent. Combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos pères déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins fleuris et les embûches de rompre dans les rues de Paris. Reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Croque les feuilles mortes, brûle les feuilles de bois. Avoir apparu si beau dans cette fin d'automne. Soudain j'ai mal d'anguille, je rêve, je frissonne. Et je tends que je chavire et comme la rengaine. Je viens, je viens, je viens, je tourne, je me traîne. Ton image m'en, je le parle tout bas. J'ai besoin d'amour et j'ai mal de toi. Reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau t'aimer de toi, j'ai beau t'aimer de moi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde de mes merveilles, et j'aimerais chanter un autre soleil. Je ne suis pas la seule qui meurt de chagrin, mais je n'ai pas la vertu. Reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. C'était Martha Wainwright avec la pièce « Dis, quand reviendras-tu » qui est une reprise de la chanteuse et actrice française Barbara. Une très belle chanson qui se retrouve sur le mini-album « I Will Internalize » qui a été distribué seulement au Canada. Et Martha Wainwright qui s'en vient avec un troisième album à paraître en 2010 qui va être un album de reprise d'Édith Piaf. Donc, si vous avez aimé cette reprise de Barbara, ça risque d'être vraiment très bien, ces reprises d'Édith Piaf. Et sinon, avant, on avait son frère, Rufus Wainwright, avec la pièce « La complainte de la butte » qui se retrouve sur la trame sonore du film « Moulin Rouge ». Et donc, c'est un auteur, compositeur, interprète, canado-américain qui vit entre Montréal et New York. Et l'émission va bientôt se terminer, et oui, déjà. Et on va se retrouver lundi prochain pour une dernière programmation ordinaire, plutôt, une prochaine programmation normale avant le spécial de Noël qui aura lieu le 21 décembre prochain. Donc, ça promet. Et sinon, en attendant, ce soir ou tout à l'heure, pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, ce sera le Voyage insolite avec mon collègue Frédéric Durand sur les ondes de C'est fou. Et en attendant, je vous laisse avec la chanson Funiculaire de la formation Les Breeze Feeders, qui fête en décembre leur 10e année de carrière. Donc là, ça va bouger un peu plus que ce qu'on vient d'entendre. Et c'est Sophie Laforêt qui vous souhaite une excellente fin de journée sur les ondes de C'est fou 89.1 FM.